Chapitre 7e. On dut toutefois finir par retourner à la villa. Un jour, Elisa, devinant le désir que son mari n'osait exprimer, le lui avait demandé la première. Et, en effet, Massimo avait brusquement senti le besoin de revoir la maison qu'il aimait. Le jardin où les arbres lui avaient paru autrefois plus verts qu'ailleurs. Plus murmurante la brise et plus roses les roses, l'horizon vers lequel s'étaient enfuis ses plus heureux rêves. Il craignait cependant d'y retourner, et lorsqu'ils partirent enfin, il eut l'air de céder à la volonté de sa femme. Et vraiment, un vague sentiment de peur s'empara de lui quand la voiture s'arrêta au perron. Mais dès les premiers jours, tout allait assez bien. La situation ne s'était faite ni meilleure ni pire. Monsieur et Madame Valenti les avaient quittés, mais ils invitèrent quelques amis à venir les voir, et pendant quelque temps, ils ne furent pas souvent seuls. Peu à peu, Massimo s'aperçut qu'il avait eu tort de craindre. Le silence, la paix de la campagne, lui firent du bien, l'apaisèrent. Il arriva à n'être plus effrayé par l'idée de la solitude, à la désirer presque encore. Les anciennes habitudes s'emparèrent de lui de nouveau, et il s'y abandonna. Mais il souffrait toujours secrètement, le sourire aux lèvres, la tête haute, jouant son rôle avec toutes ses forces réunies par une continuelle tension de sa volonté, étudiant Elisa sans cesse, l'aimant avec les précautions que suggère l'espérance non rassurée. Presque à leur insu, par la pente naturelle des choses, la solitude se refit lentement autour d'eux. Le luxe dont ils étaient entourés, et qui naguère eût paru charmant à un artiste, faisant un joli contraste, par sa lourdeur et son inutilité avec le simple tête-à-tête des amoureux, ajoutait maintenant à la mélancolie de la villa et semblait l'entourage naturel de ce couple devenu sérieux, car en les voyant, on eût difficilement deviné la lutte cachée qui les séparait malgré eux, et par leur attitude et leur manière d'être, on les eût réellement pris pour des époux unis par les liens du mariage, par l'estime et une froide affection mutuelle qui, se retrouvant seuls, dissimulent poliment leur aristocratique ennui. Et en réalité, il leur arrivait souvent d'interrompre un long silence pour reprendre une causerie banale qui ne les empêchait pas de suivre leurs pensées habituelles. D'heure en heure, il leur devenait plus difficile de parler et en même temps plus pénible de se taire. Et tout marchait avec précision autour d'eux. Les nombreux domestiques en petite livrée accomplissaient leurs devoirs sans bruit, avec la solennité d'une fonction, chaque chose arrivant ponctuellement à son heure. Massimo s'occupait maintenant de la régularité du service, et aucun caprice ne troublait plus la somptueuse élégance de la table. Maintenant, le cocher anglais osait déranger les maîtres, pour venir, la mine sérieuse sur sa haute cravate, poser de graves questions à l'oreille de monsieur. Car Elisa ne montait plus à cheval, mais chaque jour une voiture parfaite se présentait au perron vers 3 heures et on allait faire un tour. À la fin d'une journée particulièrement belle, comme l'air était doux et parfumé, Massimo proposa d'aller prendre le café sur la terrasse. Leur pas avait été très silencieux et dans la vaste salle à manger sonore, on n'entendait que le léger bruit inévitable du service le mieux fait. Elisa accepta et, traversant le jardin, ils allèrent s'asseoir dans les fauteuils en bois pliant qui, sur la terrasse, semblaient attendre perpétuellement quelqu'un. Sur le bas et large parapet de marbre, d'énormes vases, dont une plante rare débordait, mettaient une tache verdoyante à distance égale. En s'accoudant et en baissant les yeux, on voyait une haute muraille droite, au pied de laquelle le désordre enchevêtré d'un taillis touffu à verdure très sombre cachait un étroit chemin où ne résonnait que rarement le pas d'un enfant maraudeur. Puis le regard courait sur les dômes obscurs des arbres et se perdait ensuite dans la plaine à végétation pauvre dont la couleur terreuse prenait des teintes dorées sous les derniers rayons du soleil. Plus loin, on distinguait à peine, dans la brume chaude, l'ondulation molle des collines, et dans un poudroiement éloigné, on ne pouvait marquer la ligne de l'horizon. Dans la vaste étendue où le regard flottait, les rêves vagues qui surgissent en nous aux dernières heures du jour pouvait en rencontrer d'autres épars dans les mille couleurs de ce décor changeant, se confondre et insaisissable se perdre dans l'espace. Pas une feuille ne remuait, il ne soufflait aucune brise. Dans le jardin, sur la terrasse, par la vaste étendue, tout était immobile. La variété étonnante des teintes du ciel, où le poème du couchant se déroulait ce soir-là avec une richesse spéciale, contrastée avec le silence profond et l'absence de mouvement. On n'entendait rien, et l'œil voyait des explosions de couleurs, des échos perdus de nuances, qui semblaient des sonorités visibles. Un voile vaporeux d'une diaphanéité idéale s'étendait partout. Les plus légers bruits prenaient une importance étrange. Sur une table rustique, un plateau d'argent avait été posé, et les tasses, la cafetière, le sucrier, où la lumière tombant allumait des lueurs fugitives, prenaient l'espace d'élégance inusitée qu'acquièrent en plein air les objets faits pour l'intérieur. Un petit page, frais comme une rose, tout habillé en drap vert foncé, son corps fluet serré dans l'étroite veste à trois rangs de boutons de métal, les cheveux raides, se tenait droit, attendant. Sur une autre table étroite, à côté de Massimo, étaient des boîtes de cigarettes, des journaux, un livre entre les feuilles duquel brillait un couteau à papier émaillé. Lui, presque couché dans le fauteuil très renversé en arrière, regardait dans le vide. L'attitude languissante de son corps robuste donnait l'idée de la force au repos, et le coussin brun attaché au dossier faisait ressortir la pâleur de son visage. Il semblait réfléchir, et parfois son regard se fixait sur sa femme sans qu'il parût la voir. Elisa, appuyée sur le coude, regardait le paysage, la traîne de son étroite et longue robe claire s'enroulant autour de son siège. Un mouvement qu'elle fit attira l'attention de Massimo sur sa main fine, couverte de bagues, et il rompit le silence par une observation banale. Ces trois personnes, sur cette terrasse, devant ce soleil couchant, c'était un tableau tout fait pour un peintre de high life. Mais un observateur eût difficilement deviné le sens caché dans l'attitude du mari et de la femme, dans leur discours nonchalant. Il remarquait seulement une espèce de fatigue qui pesait sur eux, un ennui mélancolique, des symptômes de maladie morale. Le contraste entre la beauté et l'élégance de ce couple et le sérieux de leur physionomie. Il lui aurait apparu comme une preuve nouvelle du manque de bonheur possible au milieu des raffinements de l'opulence. Leur solitude dorée semblait en ce moment-là lourde pour eux, et on voyait que ni la richesse des choses matérielles ni les magnificences de la nature ne pouvaient les distraire, et cependant entre eux flottait l'amour. Restés seuls, ils essayaient de parler de choses et d'autres, naturellement comme ils avaient maintenant appris à le faire, mais ce jour-là, leur conversation tombait à chaque instant, et le silence leur était plus pénible que jamais. Ils se sentaient chacun le cœur gros de tout ce qu'ils ne disaient pas, mais les mots se figeaient dans leur bouche. Elisa souriait à son mari, mais lui regardait ses yeux et ne voyait pas son sourire. On avait pris le café, et quelques phrases insignifiantes avaient encore été échangées, puis le silence était redevenu profond. Mais Massimo allait parler. L'heure était venue. Peut-être sentait-il seulement l'influence, comme nous la sentons toujours, de se trouver dans un endroit où, depuis longtemps, il n'avait pas l'habitude de rester, sur sa terrasse, au grand air. Tout à coup, il dit quelques mots, mais d'une voix si gutturale, si suffoquée, qu'Elisa les entendit mal, n'osant les deviner. Il pâlit encore plus et courageusement répéta les mêmes paroles. « Elisa, pensez-vous souvent à lui ?» Les syllabes, claires cette fois, résonnèrent étrangement, et leur vibration dans l'air immobile effraya presque celui qui les avait prononcées. Il eût peut-être voulu dire autre chose, mais son idée fixe à ce moment-là s'était à son insu formulée. Elisa ne comprit la question qu'après quelques secondes. Une minute interminable passa, mais l'obstacle était franchi, la digue rompue, et il fallait parler maintenant. Le ciel s'assombrissait peu à peu. Le soir tombait dans un long crépuscule. Massimo s'approcha de sa femme, s'assit sur les coussins qui étaient à ses pieds, et la regarda dans les yeux. « Tu es étonné, » dit-il, « tu gardes le silence. Mais il faut que je parle, et il faut que tu me répondes. Ce moment devait venir. Si nous n'en profitions pas, il ne reviendrait peut-être plus, et nous serions toujours malheureux. Nous ne ressemblons pas aux autres. Nous nous sommes connus et nous avons vécu d'une manière si différente que nous devons nous dire tout, même ce qu'on ne dit pas. J'ai trop souffert ces derniers jours. Si je dois vivre encore, il faut que je retrouve le bonheur perdu, qu'il n'y ait plus entre nous ce quelque chose que nous ne pouvons nommer et qui nous sépare. Le veux-tu? Peux-tu m'aimer encore? » « Tu le sais bien, » répondit-elle enfin doucement. « J'ai aussi un seul désir, c'est de te voir plus heureux, mais je n'osais l'espérer. Et cependant, je t'ai prouvé que je t'aime. Tu penses toujours au passé, mais de moi, tu sais tout, tu me vois tel que je suis, et tu dois bien comprendre que je veux me dédier à toi. » « Elisa, ce n'est pas comme cela que je voudrais t'entendre parler. D'ailleurs, tu n'as pas répondu à ma question. Eh bien, n'y réponds pas, je peux bien deviner. C'est moi qui ai trop pensé à lui, qui ne peut m'en défendre. Du jour où je l'ai vu, où je l'ai entendu, où je l'ai compris, des horizons nouveaux se sont ouverts devant moi. J'ai reconnu bien des vérités que j'avais en vain essayé de nier autrefois. J'ai longuement réfléchi. J'ai surtout comparé. L'amour que tu peux me donner ne peut être, je le sais, que le fruit d'un effort, d'un oubli volontaire de ta part, et que le résultat de mon amour à moi qui t'enveloppera sans cesse. Je sais bien que l'ayant vu, tu as pu te séparer de lui, mais que tu ne peux pas l'oublier. Mais puisque tu es ici, puisque le sort t'a donné à moi, je veux retrouver tout le bonheur perdu et le rendre plus grand. Mais qu'il y ait entre nous une confiance absolue. Oh, Massimo, comme tes paroles me font du bien. L'indifférence apparente qui paraissait exister entre nous me pesait comme à toi. Mais je n'osais rien dire. Tu dois cependant savoir que je suis tout à fait sincère et que nous n'aurons jamais rien de caché l'un pour l'autre. Je souffrais aussi. Il faut que nous soyons aussi heureux que possible. Tu verras comme je saurai être bonne. Je veux faire des projets. D'abord, nous resterons ici tant que tu voudras, puis, pour te distraire, nous irons voyager un peu. Oui, mais pour revenir ici. Oh, je ne demande pas mieux, j'adore cette maison. « Merci, ma chérie. Je voudrais te faire connaître toute ma vie, toutes mes pensées, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai connu et tout ce que je sens maintenant, pour que tu puisses comprendre de quelle manière toute spéciale je t'aime. Nous autres, dont la vie a été irrégulière et mauvaise, abandonnée à tous les caprices d'une imagination à laquelle aucune nécessité ne mettait de borne, lorsqu'enfin l'amour véritable se révèle à nous, nous aimons avec des joies et des douleurs particulières, difficilement comprise. Et le bonheur est pour nous, qui ne le méritons pas, bien plus exquis que pour ceux à qui il est dû. Il a le charme du prix immérité, du fruit défendu, du trésor volé. Pour le posséder, ne fût-ce qu'un seul instant, nous employons toutes nos forces, toute notre expérience, et nous combattons avec acharnement dans une lutte suprême contre la destinée que nous nous sommes faites. » Elisa écoutait les paroles de Massimo, lui révélant des choses qu'elle avait devinées depuis longtemps, qu'elle voyait alors. Il continuait à parler, assis presque à ses pieds, se serrant contre elle, trouvant des accents de passion différents de ceux qu'elle connaissait. Elle était très émue, et dans l'ombre croissante, au milieu des fleurs qui exhalaient leur dernier parfum, elle se livrait, tout entière, au trouble qui l'envahissait. Le flot de pensées mêlées dans sa tête, se neutralisant dans une rêverie où la sensation dominait. Elle se sentait heureuse et avait envie de pleurer, tandis que les ténèbres s'avançaient sur la campagne, que les grands vases blanchissaient dans la pénombre et que dans le ciel d'un azur sombre apparaissaient les premières étoiles. À un certain moment, Massimo se leva et alla s'accouder au parapet de la terrasse, regardant devant lui comme s'il interrogeait l'horizon. Elisa le suivit des yeux et bientôt le rappela. Il vint se rasseoir dans son fauteuil en s'approchant de sa femme, et il l'observa encore fixement, sa figure ayant encore changé d'expression. Elisa penchait vers lui, toute vibrante de ce qu'elle avait entendu, émue par la solennité tendre de l'heure, par le silence des choses, par le regard lumineux qui éclairait la pâleur de Massimo, recommença à lui parler à voix basse, doucement. Mais il parut ne pas l'entendre et, l'interrompant, il dit enfin « Il faut que je te dévoile toute ma pensée, que je te dise quelque chose que je ne répéterai jamais. Tu es bien jeune encore, Elisa, et à ton âge, on croit encore la vie plus courte qu'elle ne l'est réellement. Souvent, dans une existence, nous recommençons la vie plusieurs fois. Eh bien, tu pourras peut-être un jour la recommencer, et ce jour n'est peut-être pas loin. Je ne comprends pas. C'est bien simple. Il est rare que dans ma famille on vive longuement et je suis malade. « Massimo !» s'écria-t-elle en lui prenant les mains. « Je te défends de parler comme cela. Tu vas au contraire m'écouter tranquillement jusqu'au bout. Il n'y a rien de si effrayant dans ce que j'ai à dire. Je le répète, je dois t'en parler une fois puis cela sera fini. Tu sais que je déteste tout ce qui a une apparence lugubre. Du reste, il n'y a rien à y faire et tout se passera comme Dieu voudra. Mon pressentiment peut me tromper, mais je dois te le dire. Mais je ne veux pas. » Il lui imposa silence d'un geste et d'un sourire. « Oui, Elisa, je me sens bien maintenant. Je ne souffre pas et peut-être n'aurais-je pas à souffrir, mais le mal existe. Tu ne sais pas tout, d'ailleurs. Un jour, il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai désiré mourir. Il m'a semblé qu'en disparaissant, j'aurais presque fait mon devoir et moi, qui oublie toujours ce que je lis, je me suis souvenu d'un roman qui m'avait vivement impressionné à 18 ans, où le personnage principal se tue pour laisser sa femme libre en arrangeant son suicide de façon qu'on le crût victime d'un accident. Mais je ne suis qu'un homme, et je n'ai pas ces sublimes vertus du sacrifice qui peuvent faire d'un paysan un héros. Non, j'ai senti que mon immense amour était pourtant égoïste, que je te voulais encore, que moi, vivant, je ne pouvais te céder à personne. Non, vois-tu, je veux entière ma part de bonheur, si courte qu'elle puisse être. Après, tu recommenceras la vie, toi, mais pendant ce temps, mon Elisa, il faut m'aimer beaucoup, il faut m'aimer comme je t'aime. » Ces paroles, prononcées avec un calme étrange, contrastant avec l'attitude et le geste passionné, tombèrent toutes chaudes dans le silence de la nuit sereine. Et avant encore qu'il eût fini, Elisa était dans ses bras, les yeux voilés de larmes, s'abandonnant sur lui, sa tête penchée sur sa poitrine. Massimo la serra dans une étreinte folle, voulant encore parler, mais ne le pouvant plus. Son regard alla au ciel étoilé pour venir se reposer sur cette tête amoureuse, et il se sentit tellement heureux qu'il comprit n'avoir plus rien à craindre dans la vie, ni à regretter dans la mort. C'était le premier triomphe du marquis d'Astorre. Ce soir-là, il avait vaincu. Ainsi s'achève un mariage excentrique de Luigi Gualdo.